De juin 1993 à juin 2017, soit en 24 ans, la performance des supercalculateurs a été multipliée par 1,5 million, le tout dans une progression extrêmement régulière, corrélée à une loi, la loi de Moore, qui prévoit que la miniaturisation conduit à doubler le nombre de transistors sur une puce de silicium tous les 2 ans. Mais si cette belle régularité serait en passe de se gripper, sommes-nous sur le point d'atteindre les limites de la puissance de calcul que nous sommes capables de déployer? Quel est le visage des supercalculateurs du futur et surtout que fait-on aujourd'hui avec d'aussi grosses machines? Superordinateur, y a-t-il une limite au calcul numérique? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aller ausculter ces machines capables de calculer plus vite que leur ombre, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui William Jalbi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Versailles-Saint-Quentin, directeur scientifique d'Exascale Computing Research. C'est un laboratoire en partenariat public-privé entre Intel, l'Université Versailles-Saint-Quentin et le CEA. Nous avons également le plaisir de recevoir Édouard Audy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la maison de la simulation au CEA, également dans un laboratoire CEA-CNRS, INRIA, Université Versailles-Saint-Quentin et Paris Sud Orsay. Vous pouvez suivre l'émission comme chaque jour et bien sûr votre ordinateur précisément en nous suivant sur notre compte Twitter @laméthodefc ainsi que sur les ondes. Alors avant de se jeter peut-être à corps perdu dans cette problématique de la fin de la miniaturisation et de la stagnation des puissances de calcul, commençons par le commencement. Qu'entend-on exactement par supercalculateur ou superordinateur? Est-ce que ce sont deux synonymes exacts, Édouard Audy? Traditionnellement, donc, les supercalculateurs, c'est les plus gros ordinateurs disponibles à un moment donné. Donc, ils sont des très grosses machines hébergées dans des centres de calcul spécifiques. Et ces machines donc, ont évolué, comme vous l'avez dit, extrêmement rapidement, puisqu'on a gagné des ordres de grandeur en puissance ces dernières années, au cours de plusieurs dizaines d'années. Et typiquement, on dit que la puissance de ces calculateurs double environ toutes les 18 mois. C'est une façon d'exprimer cette fameuse loi de Moore dont vous avez parlé. Et dont on va reparler dans quelques instants. Votre définition à vous, William Jalbi, pour la compléter. La même, sauf que j'attirais votre attention. Vous parlez toujours de performance crête, c'est-à-dire des performances nominales. Il est plus intéressant de voir deux autres une mesure réelle, qui est la performance sur des applications. Mmh. Et donc là, les chiffres sont beaucoup moins glorieux. C'est-à-dire que la performance crête, pour être clair, ce sont les performances maximales possibles, rendues possibles par la machine, et ce ne sont pas celles que l'on utilise ou que la machine utilise concrètement pour faire les opérations qu'on lui demande. Voilà, la performance crête, c'est celle que si on dépasse, on est sûr qu'on a un problème dans le code ou dans la mesure. D'accord. Donc c'est ça le point important. Alors, quand on regarde l'évolution, alors ce qui est intéressant de voir, on peut faire plusieurs métriques, mais donc on a d'abord le classement qui nous donne les plus grosses machines, qui déjà fait appel non plus à cette performance nominale, c'est le fameux top 500, mais qui fait appel à un code qui est un peu particulier, mais qui nous donne déjà, on a descendu un facteur de 50%. Bien. Ensuite, on prend encore un autre niveau en prenant des applications un peu plus fréquemment utilisées ou correspondant plus à la réalité, à 90% de la réalité. Et là, je dirais, les chiffres sont bien plus inquiétants. On est entre 1 et 5% de la performance crête. Et si on regarde, il y a même un léger ralentissement, un léger tassement sur l'amélioration des performances. Depuis quelques années, on va en reparler dans quelques instants au cours de cette émission en tout cas. Peut-être faisons un peu d'historique pour commencer, pour resituer l'apparition de ces machines. À quelle époque apparaissent les premiers supercalculateurs, au début, peut-être au tout début de l'informatique, est-ce qu'on parle déjà de supercalculateurs ou est-ce qu'au début de l'informatique, finalement, tout ordinateur est déjà un supercalculateur par rapport aux facultés du cerveau humain, Édouard Audy? Les supercalculateurs, je ne sais pas si c'était exactement ce terme qui était employé, mais sont très vieux. Dès après la guerre, il y a eu des premiers ordinateurs à lampe. Je dirais qu'il, d'un point de vue physique, était beaucoup plus imposant que les machines dont on dispose maintenant. Et d'une certaine manière, le calcul s'est beaucoup démocratisé, puisque maintenant, tout le monde dispose d'un ordinateur. Et les ordinateurs dont on dispose aujourd'hui sont plus puissants que les supercalculateurs d'il y a uniquement quelques années. Donc je pense que ça a été une évolution continue depuis environ après un peu après la guerre, ça a commencé, et puis depuis les années 60. Et avec ce qui est intéressant, comme vous l'avez montré, il y a une évolution qui a l'air très continue et très douce de la puissance de calcul, avec typiquement, même si ça s'est fait s'évrer un petit peu ces dernières années, mais un doublement environ tous les 18 mois. Mais par contre, derrière cette augmentation continue de la puissance, il y a eu beaucoup de révolutions technologiques extrêmement importantes. Et je dirais jusqu'au tournant des années 90, en gros, on avait un processeur, c'est-à-dire une unité de calcul par ordinateur qui tournait de plus en plus vite. Là, c'était vraiment une application directe de la fameuse loi de Moore, c'est-à-dire que chaque processeur allait de plus en plus vite. Et donc, je dirais, pour les scientifiques, c'était vraiment du pain béni, puisqu'on mettait son code sur la machine qui allait elle-même plus vite, et donc on avait automatiquement un gain de puissance, ou presque automatiquement. Et après, on n'a plus été capable d'augmenter la puissance de ces processeurs. Là, ça a un peu saturé. Et donc, pour garder un accroissement de la puissance des machines, on est arrivé ce qu'on appelle le parallélisme. C'est-à-dire qu'on a mis plusieurs unités de calcul par machine. Et donc, on a fait des machines donc avec 2, 3, 4, et qui maintenant ont des millions d'unités de calcul. Mmh. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut calculer en parallèle, ce qui rend les choses beaucoup plus complexes, à la fois du point de vue de la construction des machines et du point de vue de l'implémentation des algorithmes sur ces machines. Et puis maintenant, on est en train de vivre une autre évolution, c'est-à-dire que les technologies actuelles sont trop gourmandes en énergie, ne permettent plus de continuer. Si on accumulait les technologies actuelles pour faire des très gros calculateurs, donc la limite actuelle qu'on cherche à atteindre d'ici peut-être 5 ou 6 ans, c'est ce qu'on appelle l'exaflop, c'est-à-dire 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde. Et si on construisait des machines qui avaient cette puissance de calcul avec les technologies actuelles, ça consommerait des centaines de mégawatts. Et donc personne, évidemment, peut s'offrir le luxe de dépenser autant d'énergie, ce serait trop compliqué. Donc on fait appel à des nouvelles technologies, notamment issues de l'embarqué, donc qui sont moins gourmandes en énergie, plus efficaces, mais qui par contre vont encore multiplier le nombre d'éléments de calcul. Et donc en ce moment, on a encore eu une explosion considérable du nombre d'éléments de calcul dans un ordinateur. Et pour vous donner un exemple, sur les plus gros calculateurs actuels, maintenant, il y a des millions, voire des dizaines de millions d'unités de calcul qu'il faut faire travailler ensemble pour résoudre un problème scientifique. On va aller justement voir dans quelques instants à quoi ressemble précisément ce super ordinateur. Oui, William Jalli. Alors, quelques précisions. Au tout début, cette génération les premiers super calculateurs étaient des machines construites à très petit nombre d'exemplaires et utilisant une technologie qui était particulière, fully custom. Ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, on prend au contraire des composants de masse, votre PC, votre serveur, qui sert lui-même de brique de base pour construire ces très grosses machines. Mmh, et c'est là où on est obligé de prendre le parallélisme. Un deuxième point aussi, on se concentre toujours sur la puissance de calcul. La puissance de calcul n'est rien si vous ne pouvez pas accéder aux données à une vitesse suffisante. Il ne sert à rien de calculer si on n'a pas les données. Et donc là, c'est aussi une des différences que l'on voit. Ces machines qui étaient fully custom étaient fully custom. Fully custom, ça veut dire que complètement sur mesure. Voilà, pour expliquer, c'est-à-dire que c'était des machines qui étaient créées de toutes pièces. Exactement. On créait des les premiers créés étaient des machines qui étaient construites à environ 30 exemplaires par an. D'accord? Et tout était fait sur mesure pour ces machines-là. Alors que maintenant, on a la problématique inverse. On est obligé d'utiliser des composants standards et de les adapter. Prendre des composants qui n'ont pas été conçus pour ça. Donc ça, c'est un des vrais challenges. La bascule, justement, entre le fully custom et la standardisation, elle se fait quelle année à peu près ? Dans les années 80-90. Fully custom, vous avez quand même un survivant. Vous avez NEC, qui produit toujours des machines fully custom. D'accord ? Parce que ça a été la première génération de vrais supercalculateurs qui avaient été initiés par Cray, les supercalculateurs vectoriels, qui ont non seulement une unité arithmétique spéciale, mais aussi une organisation mémoire très spécifique, capable d'alimenter. Et donc, c'est les seuls encore à continuer ce type de technologie. Un mot, alors quand on recherche le premier ordinateur recensé au classement des supercalculateurs, on trouve un ordinateur allemand, le Z1 en 1938. Est-ce qu'on peut vraiment parler de ça comme un supercalculateur, William Jalbi? Oui, bah tout à fait. C'est un flop. Bah, tout à fait, mais c'était la machine de calcul la plus puissante à l'époque. Si on prend ça comme définition, c'est tout à fait vrai. Rappelez-nous ce que c'est qu'un flop. une opération flottante par seconde. Une opération flottante, c'est l'opération arithmétique classique. Alors, pas directement sur les entiers, mais pour faire des calculs scientifiques. Alors, vous avez déjà évoqué son nom. On en parle comme le père, entre guillemets, des supercalculateurs tels qu'on les entend aujourd'hui. C'est Seymour Cray, avec d'abord la compagnie CDC, puis il fondera sa propre compagnie plus tard, en 1964, va créer le nom superordinateur, supercalculateur. Seymour Cray, vous pouvez nous expliquer pourquoi ce nom-là est important dans l'histoire des superordinateurs, Edouard Audy? Je pense qu'il a, donc il a fondé la compagnie Cray, qui pendant longtemps a fabriqué les plus gros calculateurs. Et comme l'a dit William, une technologie très spécifique, c'est-à-dire qu'il fabriquait à la fois les processeurs, t'as les unités de calcul, mais également une alimentation mémoire très particulière, avec notamment les calculateurs vectoriels qui permettaient de réaliser des opérations presque en même temps ou dans une séquence qui permettait de les effectuer de façon extrêmement, extrêmement rapide. Et comme l'a dit William, il a vraiment associé cet aspect gestion de la mémoire et gestion du calcul. Et c'est vrai qu'on cite tout le temps l'augmentation de la puissance de calcul, mais l'augmentation du débit mémoire, c'est-à-dire de permettre d'amener les chiffres au processeur pour qu'on puisse faire des opérations dessus, lui a progressé de façon beaucoup plus lente que la puissance de calcul brute elle-même. Et souvent, quand on veut s'intéresser à des problèmes de physique ou de biologie, enfin des problèmes intéressants, on est obligé beaucoup d'abord d'aller chercher l'information et ensuite de travailler dessus. Et cette action d'aller chercher l'information est pour l'instant extrêmement coûteuse. Et donc Cray a amené beaucoup, et aussi sa compagnie a fait les premiers calculateurs très parallèles, les T3D, T3E, avec une topologie du réseau, donc une topologie d'interconnexion des processeurs entre eux très particulière. Donc il a, je pense, beaucoup contribué au développement de ces machines, et c'est un peu une figure iconique du domaine. On peut signifier que quatre ordinateurs de la société, donc Cray est décédé évidemment, mais quatre ordinateurs de la compagnie Cray font encore partie du top 10 aujourd'hui des calculateurs les plus puissants au monde. Oui, alors attention, ce sont des machines qui ont gardé le nom Cray, donc c'est, je dirais, une astuce marketing. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pour en venir à Cray, Seymour Cray, c'est lui qui a fait le premier. Vous aviez dit, à un moment donné, au début, on avait des machines qui étaient haut de gamme, haute performance, et qui avait plusieurs applications. C'est le premier qui a vraiment, je dirais, forgé le terme informatique scientifique. D'accord? Donc, c'est intéressé vraiment le premier à la simulation numérique. Et ces machines ont été conçues dans cet esprit-là. Essentiellement dans un souci de performance. À l'époque, on pouvait considérer que c'était machine, c'était un petit peu la Ferrari ou la Formule 1. Donc ça, c'est vraiment une spécificité de Cray qu'il a poursuivi tout au long de sa carrière. Il est parti d'ailleurs de CDC parce qu'on ne le laissait pas faire. Ses projets étaient très orientés performance. Alors maintenant, la société Cray, maintenant sa réincarnation, a vraiment complètement changé. Alors elle reste bien sûr très intéressée par les superordinateurs, mais elle reprend la philosophie que j'ai indiquée, qui est essentiellement d'assembler ce qu'on appelle « components of a shelf codes » pour en faire des circuits standards, pour en faire des très grosses machines. Avec un très gros challenge, comme on l'a indiqué, mettre 10 millions de processeurs, il ne suffit pas de les assembler du point de vue matériel, quelque chose qu'on oublie, c'est les aspects logiciels. Autant il est facile de gérer une ville de 1000 habitants, pour gérer une ville de 10 millions d'habitants, il faut d'autres structures et on a exactement le même problème. Et d'ailleurs, à un moment donné, la question peut se poser. Est-ce que c'est rentable de mettre 10 millions de cœurs pour résoudre un problème donné? Parce que aussi, quand vous parlez de performance crête, ces performances crêtes, pourquoi faire? Est-ce que c'est pour résoudre un seul problème ou non? Et d'ailleurs, on note, que si vous regardez le top 500, sûrement à laquelle vous avez fait référence, donc on voit qu'il est dominé par deux machines chinoises, dont en fait, on sait à peu près pertinemment qu'elles sont assemblées juste sur mesure pour effectivement figurer au top 500, ouais. Donc faire le test et permettre de dire que c'est un argument d'ordre politique. On va revenir sur ce top 500 et sur effectivement la domination chinoise qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai sauté une étape parce que Cray c'était en 1964, mais je voulais vous faire écouter cette archive qui est intéressante. Elle date de 1951, on remonte un tout petit peu dans le temps. Voilà comment est expliquée la naissance de ce qu'on appelle à l'époque les premiers cerveaux électroniques à New York. C'est un reportage de la télévision française de 1951, écoutez. Voici dans ses grandes lignes le fonctionnement du cerveau électronique. Le problème est exposé en 36 pages d'équations. Un état-major de 8 spécialistes travaille à ce problème 24 heures par jour depuis un an afin de préparer les cartes ou les rubans perforés qui, en se déroulant, donneront les instructions à la machine. Par exemple, les équations sur lesquelles vous avez séché au lycée, AX plus B égale 0 ou AX2 plus BX plus C égale 0, ce sont les instructions sur cartes perforées qui permettront à la machine de faire ses différentes opérations au moment voulu. Dès que les instructions sont mises en place, la machine est mise en marche et peut effectuer 50, multiplication de 14 chiffres, je répète, 50 multiplication de 14 chiffres en une seconde. Qu'en pensez-vous, monsieur Dagbert ? Voilà, 50 flops, hein, c'est ce que vous avez défini. Ce qui est intéressant dans cette archive, c'est qu'on voit qu'on est encore la carte perforée, la bande magnétique. À quel moment se fait la bascule vers le microprocesseur que l'on connaît aujourd'hui, William ? Alors, le microprocesseur, c'est Intel qui l'a introduit en 1972, si je ne me trompe pas, le 4004, d'accord, qui d'ailleurs, au départ, n'est pas du tout une machine pour le calcul scientifique. C'est plutôt ce qu'on appellerait un microcontrôleur. Alors, sa particularité par rapport aux machines précédentes, c'est qu'ils ont réussi à intégrer ça sur un seul chip. Et donc ça, c'est un aspect très important qui est lié à l'industrialisation du process. À partir du moment où on arrive à intégrer quelque chose sous un chip, sur un seul chip, sur une puce, son coût diminue considérablement. Et donc ça, c'est vraiment l'invention majeure d'Intel d'avoir réussi à l'intégrer. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la première machine, comme je l'ai mentionné, n'a pas du tout de capacité de calcul scientifique, et c'est au fur et à mesure des années qu'elle s'est imposée comme un standard et qu'elle s'est dotée de capacités de calcul scientifique. Vous diriez que c'est précisément l'apparition de ces premiers microprocesseurs Edward Oddy qui fait basculer, on commence à arriver vers ce qui va être l'explosion des super calculateurs des années 80-90. Ouais, le microprocesseur est un élément essentiel. Ce que vous avez mentionné tout à l'heure, les cartes perforées et les bandes, ça c'est plus pour le stockage d'informations, alors que le microprocesseur c'est plus la partie calcul. Donc c'est deux choses un peu séparées. La partie stockage d'informations a également fait énormément de progrès. Et je pense que c'est aussi la capacité des calculateurs qui a fait basculer les choses dans le monde scientifique. C'est à partir du moment où ils ont assez de puissance pour faire qu'on puisse calculer des choses physiquement intéressantes, scientifiquement intéressantes. Ça crée un regain d'intérêt très fort et c'est là que vraiment ça devient un outil essentiel dans beaucoup de domaines scientifiques. Justement, les premières applications, quelles sont-elles ? Elles sont strictement scientifiques, elles sont un peu militaires aussi, William Gelby. Oui, tout à fait. Hein. Donc les premières générations de machines, c'est essentiellement des calculs d'armes, notamment l'arme nucléaire, qui est une arme extrêmement complexe. Donc ça, c'était un des moteurs. Ne pas oublier aussi quand même le moteur industriel. D'accord. Donc la simulation, par exemple, automobile, la simulation des crashs, a permis d'éviter. Il faut voir qu'envoyer une voiture sur un mur coûte extrêmement cher. Maintenant, on arrive à faire des simulations numériques qui sont telles qu'on a plus besoin quasiment d'avoir recours à des tests réels. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est ensuite, on parle beaucoup d'impression 3D. Et maintenant, donc là, dans la conception des pièces, maintenant, ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est de voir que la simulation numérique permet de concevoir intégralement la pièce, d'accord, de manière complètement numérique. Edouard Audi, sur ces usages, effectivement, on parle de... Alors, il y a effectivement un certain nombre de superordinateurs qui sont à disposition de la recherche scientifique pour pouvoir justement avoir accès à une puissance de calcul suffisante pour résoudre des équations, qu'il s'agisse de biologie, d'astrophysique, etc. Mais aujourd'hui, quels sont les principaux... Ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'aujourd'hui, ces superordinateurs ont permis d'accéder à des niveaux de simulation qui n'étaient pas possibles autrement... Que sont ces ordinateurs. Tout à fait, ça permet de faire des choses vraiment extraordinaires dans plein de domaines. Je pense qu'on peut un peu distinguer trois types d'utilisation. Comme l'a dit William, ça permet de faire numériquement des expériences qu'on peut faire dans la pratique. Par exemple, les crash tests de voitures, simuler des avions, des moteurs, énormément de choses. Donc ça c'est un gain à la fois en temps et un gain économique extraordinaire. C'est beaucoup plus facile de faire une simulation que de construire une voiture et de la lancer contre un mur ou que de construire une maquette d'avion pour la tester. Ça permet aussi de faire ça en science, dans des domaines plus fondamentaux. Par exemple, on peut tester, grâce à la simulation, par exemple, énormément de matériaux qu'on soupçonne d'être des bons candidats, par exemple, pour faire en ce moment la problématique des batteries ou de tous ces stockages d'énergie. Donc, grâce à la simulation, on peut tester un très grand nombre de matériaux. Ce serait quasiment impossible de faire ça expérimentalement. Puis ensuite, tester expérimentalement pour vérifier les plus favorables. Donc, je dirais, il y a cet aspect expérience numérique. Un autre usage de la simulation, c'est vraiment un outil théorique. C'est-à-dire, ça permet de résoudre des systèmes d'équations très complexes qu'on ne serait pas capable de résoudre autrement. Donc là, éventuellement, plus dans le domaine de la recherche fondamentale, par exemple, la physique des particules, ce qu'on appelle la chromodynamique quantique, fait beaucoup appel à la simulation. Donc ça, c'est cet aspect théorique est très important. Et le dernier aspect, à mon avis essentiel, c'est que la simulation permet aussi de tester des choses qu'on ne peut pas faire en laboratoire, qu'on sera incapable de faire. Je prends par exemple les sciences du climat ou la climatologie. Évidemment, donc on est incapable de reproduire la Terre pour tester, faire des expériences sur le climat. Et donc, grâce à l'ordinateur, on peut avoir une idée très précise de l'évolution du climat, de l'influence des différents paramètres. On est capable, avec l'ordinateur, de simuler des étoiles, des galaxies, l'univers dans son ensemble. Donc, ça permet aussi de faire énormément de choses et d'étudier énormément de phénomènes ou d'objets qu'on sera incapable d'étudier en laboratoire. Et de systèmes très complexes, on peut préciser par exemple que deux des supercalculateurs les plus puissants en France sont des supercalculateurs de Météo France. Absolument, oui. Et de l'industrie aussi, on peut Total, un des plus gros calculateurs le de plus France, gros. Le plus gros. Voilà. Et vous nous direz tout à l'heure à quoi il sert. Mais avant ça, pour bien comprendre quelle est l'organisation matérielle d'un supercalculateur contemporain d'aujourd'hui, eh bien pour le savoir, nous sommes allés faire un peu de garagisme informatique, de mettre les mains sous le capot. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous avez encore un tous. Peu de cambouis sous les ongles. Exactement. Vous vous êtes rendu au CEA pour comprendre précisément comment fonctionne l'un de ces bolides informatiques, le supercalculateur Cobalt. Oui, j'ai rencontré Christine Ménaché, qui est la responsable du TGCC, le très grand centre de calcul du CEA à Bruyères-le-Châtel. Le supercalculateur Cobalt qu'elle m'a présenté a une puissance de calcul d'1,5 pétaflop crête. À titre de comparaison, un pétaflop représente 1 million de milliards d'opérations par seconde. C'est donc plus que ce que pourrait faire la population mondiale si chaque humain sur Terre faisait une opération par seconde pendant 48 heures. Ce supercalculateur, on l'a dit, il est utilisé pour tout type de recherche, de la recherche fondamentale à la recherche industrielle en passant par la recherche militaire. On a donc été voir de plus près ce puissant outil de simulation numérique qu'est le supercalculateur Cobalt, et on a écouté son chant, aussi doux que celui d'un réacteur d'avion. Nous sommes maintenant dans la salle CCRT dans laquelle on va trouver le calculateur Cobalt et un certain nombre d'équipements qui sont le cœur du stockage actuel du TGCC, ainsi que des serveurs qui permettent de réaliser la supervision de la sécurité, parce que la sécurité informatique c'est très important et c'est une de nos préoccupations essentielles, surtout quand on travaille avec des industriels. Donc là, vous voyez les deux rangées de baies que constitue le calculateur Cobalt. Chaque rangée fait à peu près 10 mètres. En termes de nombre de baies, sur une rangée, on devrait avoir 12-15 baies. Qu'est-ce qu'on appelle une baie ? Alors une baie, voilà. Une baie, c'est un rack aussi en anglais. Enfin, globalement, c'est une armoire qui comprend les nœuds de calcul. Donc dans cette armoire, c'est découpé en châssis. Un châssis, ça fait 9 lames. On dit que ce sont des lames parce qu'on peut les sortir. Hein. Et une lame, je vais vous montrer, il y en a une à côté. Une lame de calcul, ça comprend 2 nœuds. Donc, un nœud de calcul comprend lui-même 2 processeurs. C'est un peu les poupées russes. Hein. Donc voilà, vous avez une lame, à l'intérieur d'une lame, il y a 2 nœuds. À l'intérieur d'un nœud, il y a 2 processeurs. Chaque processeur, 14 cœurs. Et ensuite, au niveau de la mémoire, on a 4 gigaoctets de mémoire par cœur. Et alors, la caractéristique de ces nœuds de calcul, c'est qu'ils sont refroidis en DLC, donc Data Liquid Cooling. Ça veut dire qu'on les refroidit avec de l'eau chaude à 35 degrés. Donc, en fait, des petits circuits métalliques circulent tout autour de la lame. À l'intérieur de ces circuits, il y a de l'eau qui est à 35 degrés parce que le processeur en lui-même, il chauffe à 70. Donc 35 degrés par rapport à 70, c'est suffisant pour refroidir le processeur. Ça tourne en permanence ? Ça tourne 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Après, il y a quand même des périodes où on fait des maintenances, où là, effectivement, volontairement et de façon préventive, on arrête la machine, on va dire une grosse demi-journée tous les 2 mois à peu près. Quel est l'intérêt de cette disposition-là en armoire et en longueur ? Est-ce que une information va circuler dans tous ces ordinateurs ? Alors le principe effectivement d'un supercalculateur parallèle, c'est que, bon, grosso modo, celui-là en tout cas, il y a 40 000 cœurs de calcul, ça représente plusieurs dizaines de milliers de PC interconnectés les uns aux autres par ce qu'on appelle un réseau d'interconnexion avec un fort débit, on a 100 gigabits par seconde, et une très faible latence. Et justement, c'est cette très faible latence qui fait en sorte que quand vous allez échanger des messages entre un nœud de calcul et plein d'autres, bah le message il devrait arriver à peu près en même temps à tous les autres nœuds de calcul. Ce qui fait aussi que l'architecture du réseau d'interconnexion, on a quand même ce qu'on appelle des switches, hein, enfin un cœur de réseau en équipement central, ou plusieurs équipements centraux qui vont ensuite irriguer tous les nœuds de calcul. Ce qui fait qu'il ne faut pas être trop éloigné quand même de cet équipement central. Et donc c'est plus efficace, parce que là, chacun des nœuds de calcul est raccordé à l'équipement central en fibre optique. Il y a aussi une question de coût hein, pour ne pas être trop loin. Donc c'est pour ça qu'on a deux grandes rangées et non pas plein de petites rangées éparpillées dans la salle. Juste quelques mots autour de l'infrastructure de stockage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez ici toutes ces rangées de disques hein, qui représentent à peu près 7,5 pétaoctets. Et juste en face, vous avez donc trois robots. Dans chaque robot, on peut mettre 10 000 cartouches magnétiques. Après, en fonction de la génération des cartouches, ben, on peut stocker sur une cartouche entre 1 teraoctet et jusqu'à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à peu près une dizaine de teraoctets, voire une trentaine si c'est en mode compressé. Donc là, les cartouches, quand vous accédez à votre fichier et que le système détecte que c'est sur une cartouche, bon, il y a tout un environnement logiciel qui va vous dire à quel emplacement la cartouche se situe. Vous avez le bras qu'on voit là-bas qui va récupérer la cartouche dans l'emplacement, aller la mettre dans le lecteur et comme ça, vous allez y accéder. Et il y a même entre les trois robots, vous pouvez aussi passer des cartouches d'un robot à l'autre si jamais des lecteurs d'un robot sont occupés et les lecteurs du robot d'à côté ne sont pas occupés. Très bien. Donc la cartouche, elle ne sort jamais d'ici, elle est juste lue directement ici. Elle sort jamais, pour des raisons de sécurité d'ailleurs aussi. Qui sont les utilisateurs des supercalculateurs qui sont présents sur ce site ici à Bruyères-le-Châtel ? Alors les principaux calculateurs déjà qu'on va trouver sur le site du CEA à Bruyères-le-Châtel, il y a ceux qui sont installés à l'intérieur du TGCC. Donc le calculateur Curie qui est dédié à des usages principalement de recherche académique. Et puis le calculateur Cobalt qui est lui plus, qui est le calculateur du CCRT, donc plutôt dédié à des usages de type industriel. Maintenant sur le site du centre CEA d'Île-de-France, on a également un très gros calculateur qui est un calculateur du projet simulation dans le cadre de la dissuasion nucléaire, un calculateur qui a une puissance crête de l'ordre de 25 pétaflops et qui est en cours de validation actuellement. Donc il faut savoir que c'est effectivement une des missions des directions du CEA, qui s'appelle la Direction des applications militaires, hein, de mettre en œuvre des outils dans le cadre de la dissuasion nucléaire. Et c'est cette mission-là qui nous a permis en fait, d'avoir des experts et de développer les compétences dans ce domaine-là, compétences qui ensuite, bien entendu, sont réutilisées également dans tout ce qui concerne les calculateurs du TGCC. Voilà le reportage du jour sur ce super calculateur Cobalt au CEA. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, messieurs, William Jalbi ? Oui, tout à fait. Alors d'abord, sur les utilisations, je voudrais quand même revenir. Donc, on a eu une vision un petit peu idéalisée hein, de l'utilisation des supercalculateurs. Il ne faut pas oublier qu'une des grandes utilisations, c'est l'espionnage, c'est le cassage de code. Donc, et les plus grandes machines, d'ailleurs, ne sont pas listées officiellement. Hein. Donc, c'est la NSA et la France, la DCCSI qui ont les plus grosses machines. Donc, ça, c'est très important. C'est pour des raisons, bien sûr, de sécurité intérieure. Qui n'apparaissent pas dans le top 500. Qui n'apparaissent pas dans le top 500. Et d'autres. Alors, c'est pas simplement de l'attaque au sens de l'attaque cryptographique, mais ça peut être aussi, par exemple, à l'heure actuelle, il y avait des techniques d'intelligence artificielle, machine learning, la capacité de reconnaître au sein d'une image des visages. D'accord ? Donc là, on voit une floraison d'installations partout de caméras. C'est bien d'avoir des caméras, mais en fait, que faut-il faire ? Soit on met une personne derrière chaque caméra, pas tout à fait réaliste. Il est bien plus facile et bien plus efficace de traiter ça avec des machines, d'accord ? Et de recentraliser le tout. Et donc, c'est aussi une utilisation du supercalculateur, qui devient intéressante d'ailleurs parce que on peut dire que dans certains sens, elle contribue à un même objectif global, mais c'est complètement séparé. Les machines peuvent être complètement indépendantes. Édouard Audi, sur ce reportage. Non, mais ça montre l'intérêt, la diversité des usages du calcul. Par exemple, Christine a pu le dire, mais sur la machine Cobalt, il y a essentiellement des utilisateurs industriels. et qui sont extrêmement variés. Ça va de L'Oréal qui fait des cosmétiques à des gens qui testent des avions, des réacteurs, des constructeurs automobiles. Donc une grande variété d'usages industriels. Et la machine juste à côté qui est très similaire, qui s'appelle Curie, qui a également été mentionnée, elle qui est dédiée à la recherche académique, avec également une très grande variété d'usages. Donc ça va de thématiques physiques, de la climatologie, de l'astrophysique, de la physique des matériaux, de la combustion. Donc je pense que ça montre que le calcul est vraiment devenu un outil central dans énormément de domaines à la fois scientifiques et industriels. Vous diriez l'un et l'autre qu'il est aujourd'hui assez facile pour un laboratoire, pour des chercheurs d'avoir accès à un supercalculateur pour pouvoir réaliser une expérience, pour pouvoir réaliser une simulation. Est-ce que c'est aussi facile, plus facile, moins facile que d'avoir accès, je ne sais pas, par exemple, à un observatoire quand on fait de l'astrophysique, William Gelby? Alors, je dirais que c'est assez facile. On a une structure centralisée en France autour d'un organisme qui s'appelle GNC, qui a regroupé. Alors, on a deux niveaux. Au niveau national, on a un regroupement des moyens de calcul et on soumet des demandes. Et j'allais dire, tant que les demandes restent raisonnables, il n'y a pas de, ou relativement mesurées, il n'y a pas de problème à les obtenir. Après, ça sera en fonction des résultats obtenus que des allocations supplémentaires en heure de calcul peuvent être obtenues. Il y a aussi au niveau régional maintenant des centres qu'on appelle des mésocentres qui se sont développés, qui fournissent des puissances de calcul moindres, mais qui peuvent servir tout à fait de tremplin. Avant de tester votre algorithme sur 10 millions de cœurs, regardons d'abord ce qu'il donne sur 1000, voire 1 million de cœurs. Donc c'est des approches étagées et qui sont tout à fait logiques et structurées. Édouard Audi. Oui, juste tout à fait. Et pour compléter ça, il y a maintenant un nouvel étage qui s'est construit au niveau européen avec le projet PRACE, donc qui rassemble des grands centres de calcul en Europe, donc en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et maintenant en Suisse, et qui donne accès aussi par appel d'offres concurrentiel aux scientifiques à des très grosses machines à travers l'Europe, et où on peut faire des demandes d'heures extrêmement volumineuses de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'heures de calcul. Et un tout dernier mot pour conclure cette première partie. On l'a évoqué tout à l'heure, le supercalculateur le plus puissant selon le top 500, bien sûr, donc de façon officielle en France, vous l'avez dit, est possédé par Total. Quelle est sa fonction, William Gelby? Alors, essentiellement de l'exploration pétrolière. D'accord? Donc, c'est une des parties avant de forer. Donc, il est intéressant de savoir si on a une bonne chance d'obtenir du pétrole. Et donc, en fait, on a d'abord une campagne sismique. Donc, c'est des calculs qui sont couplés d'abord avec une campagne sur le terrain. Donc, avec des sismographes qui permettent d'envoyer des ondes. Et ensuite, on reconstruit par modèle mathématique le sous-sol. Et donc, on essaie, par exemple, de détecter des dômes de sel, sachant que très bien, sous ces dômes de sel, il y a une très forte probabilité d'avoir un champ de pétrole. Il y a aussi maintenant, à l'heure actuelle, on se préoccupe non seulement de récupérer du pétrole, mais aussi d'en récupérer un maximum. D'accord ? Donc on cherche aussi à modéliser au plus près le réservoir qui contient le pétrole, de façon à pouvoir injecter dans différents endroits, pour de l'eau sous pression, pour faire remonter le fameux pétrole. Donc ça, c'est une des utilisations majeures et importantes. J'ai cru comprendre que l'une des fonctions de ce superordinateur était aussi de remodéliser l'évolution des plaques continentales depuis la plongée, pour comprendre où pourraient se situer précisément les réserves d'énergie fossile. Tout à fait. Donc on peut modéliser, alors à un moment donné, on peut se poser la question, la qualité du modèle. Donc il y a aussi quelque chose qui est très important, parce que vous focalisez beaucoup cette partie de l'émission sur les aspects matériels. J'insiste sur les aspects logiciels, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant à voir, c'est que les applications ont une durée de vie de 10 à 20 ans. D'accord ? Et le matériel se renouvelle, malheureusement, tous les 3 ans. Et comment les logiciels réussissent à survivre ? Et donc c'est d'ailleurs très intéressant, parce qu'à côté, vous avez cité le tome 500. Il y a quelque chose d'aussi intéressant qui s'appelle le Gordon Bell Award, qui consiste à, chaque année, il y a en fait une compétition organisée par les applications qui ont réussi à obtenir, je dirais, le plus fort taux de calcul, la plus grande efficacité machine et surtout le calcul le plus intéressant. Donc là, il s'agit à la fois de combiner intérêt scientifique, c'est-à-dire de faire un calcul réel et qui correspond à vraiment une réalité scientifique, et de l'autre côté, l'utilisation d'une très grosse machine. Il n'y a pas de miracle, ces très gros calculs nécessitent aussi des très grosses machines. Et donc là, c'est intéressant de voir que on arrive, au prix d'efforts quand même assez importants, mais à obtenir des rendements sur les machines qui sont de l'ordre, ce coup-ci, de 30%, ce qui est quand même considérable. Quand je regarde certains des benchmarks de référence qui ont été faits, où très souvent, on est entre, comme j'ai indiqué tout à l'heure, entre 1 et 5%. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Technology de Computer Magic sur France Culture à 16h36, puisque nous parlons de supercalculateurs tout au long de cette heure en compagnie de William Jalbi, qui est enseignant-chercheur à l'Université Versailles-Saint-Quentin, et Edouard Audi, directeur de la maison de la simulation au CEA. Alors on l'a brièvement évoqué tout à l'heure dans la première partie de cette émission, la question de la consommation énergétique de ces super machines. On parlait du top 500 tout à l'heure qui répertorie les calculateurs officiels les plus puissants. Depuis novembre 2007, un autre top a été créé qui prend précisément en compte la gourmandise énergétique de ces machines. C'est le Green 500 qui classe non plus les ordinateurs par leur seule force de calcul, mais par le rapport entre la puissance de calcul et le coût énergétique en watts. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à prendre en compte tenu de l'ère du temps, j'ai envie de dire, et de la nécessité de limiter la consommation énergétique, est-ce qu'on sait adapter aujourd'hui ces super machines à ces exigences-là, William Jalbi? Ah, tout à fait. Donc c'est devenu un des critères clés. Alors on le voit à plusieurs niveaux. Déjà en technique de refroidissement, comme l'a signalé tout à l'heure Madame Menache, en fait on a des techniques de refroidissement qui nous permettent d'évacuer l'énergie de manière extrêmement efficace. Parce qu'il faut indiquer ceci, c'est-à-dire une machine consomme, d'accord, et ensuite on va recréer un système d'air conditionné qui lui aussi consomme. Donc on a intérêt à mesurer les deux. Ensuite, il faut bien voir que ces machines à l'heure actuelle sont en consommation entre 5 et 10 mégawatts. Et si vous allez voir EDF, le prix du mégawatt par an est aux alentours du million d'euros. Donc quand on regarde, ça commence à devenir un budget extrêmement important dans le coût d'une machine. Donc effectivement, une grande importance est attachée. Alors, vous parlez toujours de supercalculateurs et j'avais commencé à introduire une notion un peu différente, qu'est-ce que j'appellerais les fermes de calculateurs, et j'avais donné comme exemple la reconnaissance d'image, mais vous avez aussi les machines de Google, les serveurs de Google. Et donc lui a choisi une technologie. D'abord, il s'est implanté dans des lieux froids. Mmh, c'est ça, autour du cercle polaire. Hein. Tout à fait. Donc on retrouve cette préoccupation de l'énergie de façon, ou près d'usines, d'anciennes usines de fabrication d'aluminium. Parce qu'en général, il y a très souvent, des barrages qui permettent de fournir de l'électricité à pas cher. Donc c'est devenu un des critères extrêmement importants, la consommation d'énergie. Essentiellement, donc, comme je l'ai indiqué, pour une enveloppe maximale, et c'est d'ailleurs, je dirais, la principale barrière pour l'hexaflop, c'est comment y arriver en restant dans une enveloppe raisonnable, entre 10 et 20 mégawatts, grand maximum. On va parler dans un instant de la loi de Moore et donc du plafonnement des performances et de la miniaturisation, mais aujourd'hui, la consommation énergétique, c'est l'autre limite technique, Edouard Audi, qui empêche la progression en termes de puissance de calcul. Tout à fait. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Et en fait, donc il y a eu des progrès, comme on l'a souligné, sur la puissance de calcul. Il y a eu également beaucoup de progrès sur le ratio, c'est-à-dire la puissance de calcul qu'on pouvait obtenir avec une quantité d'énergie donnée. Mais on voit qu'il y a quand même eu une petite dérive, ce qui fait que les ordinateurs, en devenant plus puissants, sont devenus plus gourmands en énergie. Et c'est ça qu'il faut essayer de corriger aujourd'hui. Comme l'a dit William, une première chose à faire, c'était de diminuer un peu les surcoûts liés notamment au refroidissement. Et maintenant, on arrive quasiment à avoir un surcoût qui est très faible ou presque négligeable. Et donc maintenant, l'étape d'après, c'est de s'intéresser à la consommation des circuits eux-mêmes. C'est-à-dire faire en sorte que pour faire un calcul, il faille une quantité d'énergie minimum. Et là, il y a différents aspects. C'est-à-dire il y a de l'énergie consacrée au calcul lui-même, qui est maintenant assez réduite. Et il y a beaucoup d'énergie aussi consacrée, comme on l'a dit tout à l'heure, à déplacer les données. C'est-à-dire pour faire un calcul, si on veut faire une addition, il faut amener deux nombres à l'unité qui va faire le calcul. Et ce déplacement des données est également extrêmement cher, extrêmement gourmand en énergie. Donc on travaille sur ces deux fronts, à la fois du point de vue matériel pour essayer de faire du matériel qui consomme moins, et également du point de vue algorithmique aussi pour essayer, on peut essayer d'avoir des algorithmes qui font moins de calculs ou qui déplacent moins d'informations pour obtenir le même résultat avec un coût énergétique plus faible. Est-ce qu'il y a une possibilité également de réorganisation des serveurs précisément pour rapprocher les composants, pour éviter au maximum le transfert d'informations? Ah, tout à fait, ça c'est vraiment un enjeu de la construction des nouveaux calculateurs, c'est-à-dire que maintenant on va faire ce qu'on appelle de la mémoire stackée, c'est-à-dire que la mémoire sera quasiment collée aux unités de calcul, donc pour essayer de limiter, donc ça limite à la fois des déplacements, il y a à la fois des gains en énergie, également un gain en bande passante, c'est-à-dire que les unités de calcul ont accès plus rapidement à la mémoire, qui est également un enjeu très important pour la performance. William Jalbi. Alors, On peut aussi compléter par d'autres techniques logicielles, par exemple, d'essayer de s'apercevoir qu'à un moment donné, au cours d'un calcul, on ne fait que des additions, on n'a pas besoin du multiplier. Donc, on peut tourner off le multiplier et espérer gagner de l'énergie. Parce qu'il y a un gros défaut de ces machines dont on n'a pas idée, c'est que même à vide, c'est-à-dire sans effectuer aucun calcul, elles consomment. Donc, on a un phénomène de perte d'énergie donc qui est relativement important. Et donc, essayer de le minimiser par une gestion un peu fine des opérations et le contrôle. On peut aussi contrôler la fréquence. Donc, est-ce qu'il est nécessaire d'exécuter toujours à 4 GHz versus 2 GHz, ainsi de suite. En jouant sur la fréquence, on peut effectivement gagner énormément d'énergie. La puissance consommée varie comme le carré, voire le cube de la fréquence. Donc, c'est extrêmement important de contrôler la fréquence. Et si vous regardez les machines récentes, d'ailleurs, on a vu une évaluation, une évolution continue de la fréquence qui maintenant est stoppée. D'accord, essentiellement pour des problèmes énergétiques et aussi pour des problèmes de concentration d'énergie ou de puissance par centimètre carré, qui devient difficile à évacuer naturellement. Alors on y arrive, hein, on parlait depuis le début en filigrane de cette loi de Moore, Gordon E. Moore qui est l'un des fondateurs d'Intel, qui a énoncé cette loi qu'on appelle loi de Moore en 1959, qui a été un peu révisée depuis, et qui dit grosso modo que le nombre de transistors des microprocesseurs sur une puce de silicium double tous les 2 ans. Cette prédiction, qui était en fait pas vraiment une prédiction, qui était plutôt une sorte de prophétie autoréalisatrice, s'est montrée extrêmement juste. Et effectivement, on a assisté jusqu'à il y a quelque temps à ce qu'avait dicté Moore. Vous oubliez quelque chose de très important qu'avait rajouté Moore, c'est en fait de réaliser ce doublement dans des conditions industrielles et pas des tours de force au niveau du laboratoire. Et donc là, ce qui est remarquable, c'est qu'effectivement, il a réussi à maintenir la tendance. Alors comment il a réussi à maintenir la tendance? Essentiellement par des effets de miniaturisation. Donc il devient tracer un trait ou réaliser un transistor sur un circuit devient de plus en plus petit. Et donc en restant sur phase constante, on arrive maintenant à des machines, à des processeurs qui accumulent plusieurs milliards de transistors sur le même substrat. Donc c'est des tours de force remarquables. Alors maintenant, effectivement, on commence à être limité, hein. Donc là, on est 14 nanomètres, donc c'est la dernière génération de processeurs industrialisés par Intel. On voit 7 nanomètres devrait être à peu près réalisable. Et donc on voit très nettement qu'on va avoir un ralentissement. Alors, on peut se poser plusieurs questions, dire « Oh là, attention !» On va arrêter, on va stopper le nombre. Ce qu'il faut voir aussi, c'est comment on les utilise. D'accord? C'est pas parce que vous avez des milliards de transistors qu'il est forcément dit que vous auriez une très grande puissance. D'ailleurs, comme la loi de Moore indiquait juste le doublement. D'accord? Et donc, ce qui deviendra intéressant, et si on regarde la tendance qu'a eu Intel, c'est très intéressant de voir qu'il a racheté, donc, une société qui s'appelait Altera, qui fabriquait ce qu'on appelle des FPGA. C'est quoi? C'est l'introduction sur la surface du chip d'une surface qui est reconfigurable. Pour le moment, on avait une stratégie qui était laquelle ? One size fits all. C'est-à-dire pour tout le monde, le même processeur. Ouais, ok, il y a un petit peu de flottant pour vous faire plaisir, pour faire du calcul scientifique, mais généralement, c'est one size fits all. En ouvrant cette possibilité au niveau du FPGA, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des SoC, System on a Chip, et de customiser donc le processeur pour des besoins particuliers. Et là, on rouvre le jeu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'accumuler des tours de force en termes de milliards de transistors, mais d'avoir des transistors utiles. Et donc là, l'enjeu, je vais dire, il nous reste encore des beaux jours là-dessus, c'est-à-dire de dire pas simplement, oui, la loi de Moore s'est arrêtée, on est à 100 milliards de transistors, il y a aussi, est-ce qu'ils sont tous utiles, comment peut-on les agencer, est-ce qu'on peut les spécialiser pour certaines applications, et ainsi de suite. Edouard, on dit aujourd'hui, tout le monde a l'air de dire que vraisemblablement, effectivement, on commence à arriver à une bascule qui est que ce n'est pas tant qu'on ne peut plus miniaturiser, mais c'est que aujourd'hui, les coûts de la miniaturisation commencent à redevenir élevés, ce qui ferait sortir, j'en perds mon stylo, des processus industriels. C'est-à-dire que d'un seul coup, les coûts redeviendraient trop importants de développement. Est-ce que c'est ça la limite ? Il y a clairement une question de coûts. D'ailleurs, pour la première fois, donc, comme l'a dit William, maintenant, Intel grave en 14 nanomètres. C'est un peu l'état de l'art en ce moment. Et pour la première fois, il y a eu des difficultés techniques pour graver ces processeurs en 14 nanomètres. On commence à réfléchir et le 7 nanomètres devrait se faire. Et après, il y a des limites de coût, mais il y a de toute façon des limites physiques. C'est-à-dire qu'indépendamment du coût, si on essaie de faire des choses plus petites, on va se retrouver avec des circuits typiquement de la taille des atomes avec des effets quantiques très importants. Et on sait que pour des raisons physiques, indépendamment de l'argent qu'on est prêt à y mettre, on ne pourra pas faire des circuits plus petits. Mais comme l'a dit William, il y a beaucoup d'autres pistes. C'est-à-dire quand les processeurs ont saturé, on a inventé le parallélisme. Et je pense qu'avec un nombre fixe de transistors, il y a peut-être des manières intelligentes ou originales de les organiser, de les utiliser. utiliser pour toujours gagner en puissance de calcul, même avec une loi de Moore, je dirais, qui va saturer. Parce que je pense qu'un temps, c'est que la loi de Moore, elle parlait du nombre de transistors sur un chip. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement le nombre de transistors sur le chip, c'est qu'est-ce qu'on est capable de calculer, quels sont les problèmes physiques auxquels on peut s'intéresser. Et donc, on peut imaginer que même avec une loi de Moore, du point de vue de la microgravure des circuits qui saturent, eh ben, on sera capable d'être inventif, imaginatif, pour avoir des machines qui seront plus puissantes et qui permettront de s'intéresser à des problèmes scientifiques de plus en plus complexes. On parle tout de même d'une feuille de route post-Moore, hein, William Gelby. Oui, tout à fait. Alors bon, on peut parler aussi de l'ordinateur quantique, mais oui, avant... Mais on va y venir. Je voudrais revenir quand même sur un aspect, sur les aspects logiciels. Traditionnellement, le logiciel est en retard par rapport au matériel. Je pense que même si la loi de Moore s'arrête, on a encore des gains de performance remarquables à obtenir par des meilleures applications, des meilleurs compilateurs. Toute la chaîne logicielle est extrêmement importante et qui, pour le moment, est en retard. Donc ça, c'est une des sources, un gisement important d'amélioration. Alors, pour en revenir aussi, effectivement, si on peut aborder le sujet de l'ordinateur. Alors, un mot à Edouard Audi qui voulait rajouter un mot à ce propos. Oui, justement, on a vu qu'il y avait une amélioration du matériel très forte au cours des décennies passées. Et l'amélioration qui nous intéresse sur les applications est également largement en partie due au progrès de l'algorithmique et des mathématiques appliquées. Et on voit que pour le même problème physique qu'on veut résoudre, les progrès dans les techniques mathématiques, dans l'algorithmique, ont également permis des ordres de grandeur de progrès. C'est-à-dire que non seulement les applications se sont adaptées à des architectures matérielles de plus en plus complexes, mais ont également dépassé ça et ont permis de traiter d'un point de vue mathématique les problèmes de façon plus efficace et également donc de gagner en puissance effective de calcul. Alors, venons-y, puisque c'est dans cette feuille de route post-Moore, hein, une promesse que nous avons d'ailleurs traitée ici même autour de cette table en une émission complète, mais disons-en un mot tout de même aujourd'hui de cet ordinateur quantique que l'on promet d'être une forme de bond exponentiel par rapport aux ordinateurs analogiques d'aujourd'hui. Analogiques digitaux. Digitaux. Alors... Bon, ces ordinateurs quantiques, d'abord, bon, leur mise au point semble relativement délicate. D'accord ? Pour le moment, on en est encore très loin. Et je veux revenir sur un des points importants, qui est comment sera le futur du supercalculateur ? Il va être essentiellement dicté par le futur des composants de masse. Donc, on voit très bien, regardons ce qu'a fait Intel et ce qui a permis de faire les gros supercalculateurs. C'est quoi ? C'est finalement... Donc, le fait que des serveurs sont toujours nécessaires, parce qu'on a eu la révolution des smartphones, mais derrière tout smartphone, une vingtaine de smartphones, il faut un serveur. Donc en fait, c'est l'évolution de ces chips de serveurs qui ont permis l'évolution des supercalculateurs. Qu'est-ce qu'on voit aussi ? Les cartes graphiques qui sont maintenant réutilisées. Ça aussi, c'est un marché de masse qui est lié et qui a permis de faire évoluer le calcul. Maintenant, il faut se poser la question qui est le suivant. Est-ce qu'on peut continuer directement uniquement avec le smartphone ? Est-ce que le chip du smartphone peut être utile pour le calcul ? Donc il y a effectivement ARM qui concentre une grande majorité des chips de smartphone qui est maintenant commencé à être regardé pour son potentiel en tant qu'utilisation pour des machines haut de gamme, supercalculateurs, essentiellement aussi dû aux aspects énergétiques. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir encore ? Eh bien, en fait, le principal challenge à l'heure actuelle qu'on voit apparaître, c'est la voiture intelligente, d'accord, qui, elle, va risquer de consommer 10 à 20 microprocesseurs, si ce n'est plus, par voiture, et avec des contraintes très fortes. Encore une fois, si on regarde l'exemple d'Intel, Intel a racheté Mobileye pour un peu plus de 17 milliards de dollars. Mobileye, c'est quoi ? C'est une société israélienne qui est spécialisée dans les caméras, reconnaissance d'images, et on en revient d'ailleurs à ce que... Je mentionnais donc quels sont les grands enjeux industriels. Donc maintenant, est-ce que l'ordinateur quantique, et je reviens à là, est-ce qu'il sera capable d'avoir des applications de cette nature-là ? On peut en discuter. Mais surtout, il y en a une qui fait peur. C'est laquelle ? C'est en fait la capacité à casser les codes. Oui, c'est le chiffrement. D'accord, le déchiffrement. Attention, le déchiffrement. Et donc, on est à peu près sûr. Imaginons que quelqu'un ait la solution pour faire une machine qui soit vraiment capable de factoriser les nombres à très grande vitesse. Quel est le premier obstacle qu'il y aura ? La NSA, National Security Agency, aux États-Unis, ne laissera pas passer. Parce que ça lui permet de garder le secret sur cette technologie-là, lui donne un avantage considérable et la capacité de piller tout Internet. Donc là, il n'y a pas miracle. Donc j'allais dire, vous avez les obstacles technologiques, vous avez les obstacles industriels qui sont forts. Et enfin, un obstacle que je qualifierais de stratégique. Politique. Les obstacles technologiques et industriels, Edouard Audi, sont encore très importants. Je vous le dis, on a fait une émission complète, donc on ne va pas s'étendre sur l'ordinateur quantique. Mais on voit bien qu'on a du mal à le mettre en œuvre, on a du mal à faire fonctionner plus que quelques qubits. Enfin, c'est encore très difficile. Donc... Tout à fait, il y a des obstacles techniques extrêmement importants, mais il y a aussi des obstacles plus intellectuels. Il faut qu'un ordinateur quantique, même si on arrivait à en construire un, le mode de fonctionnement est extrêmement différent des calculateurs qu'on peut avoir maintenant. Les algorithmes à développer dessus sont extrêmement différents. Donc même si on était capable de construire un ordinateur quantique, ce qui pose, comme on l'a dit, énormément de problèmes techniques, son utilisation elle-même serait sans doute limitée, en tout cas dans l'état actuel des connaissances, à un petit nombre de problèmes. C'est essentiellement des problèmes qui font appel à peu de données et qui ont une combinatoire très forte. Et comme l'a dit William, un des problèmes type, ça, c'est tout ce qui est cryptographie, qui pourrait, lui, faire des grands progrès grâce à de tels ordinateurs. Un dernier mot en conclusion. J'ai lu justement sur cette feuille de route post-Moore quelques solutions. Est-ce que ce sont des solutions concrètes, réelles? Est-ce que c'est de la science-fiction? J'ai lu, par exemple, des choses autour de processeurs neuromorphiques, de transistors au graphène. Que pensez-vous, William Gelby? Alors, encore une fois, je répéterai, le souci, c'est de regarder les tendances. Je pense que le supercalcul, maintenant, s'appuie de manière essentielle sur la production de masse. D'accord? Et donc, en fait, savoir de quoi le futur sera fait, c'est quel est le futur gros consommateur de puissance de calcul. J'ai cité la voiture intelligente, ça peut être la médecine, et ainsi de suite. Donc on verra apparaître, et c'est à partir de là qu'est-ce qui va se passer. Il ne faut pas oublier, je répète le point important, c'est en fait la production de masse qui permet de réduire les coûts, et ensuite quand on assemble des dizaines de milliers de composants, voire des millions de composants, on reste avec des machines de prix raisonnable. Il faut que la machine elle reste entre 10 et 20 millions de dollars. D'accord, sans de manière exceptionnelle. Donc ça va être un des gros enjeux. Édouard Audi, ça veut dire que les processeurs neuromorphiques, c'est de la science-fiction, mais peut-être pas les transistors au graphène. Il y a peut-être une piste intéressante là-dessus, sur ce que vient de dire William Gelby. Je vais pas essayer de jouer devant, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est si on regarde l'évolution des plus grosses machines. Il y a quelques années, il y avait une très grande uniformité dans les composants. On avait essentiellement des processeurs de type Intel ou assez voisins, avec des réseaux assez identiques. Et si on regarde maintenant les plus gros ordinateurs, il y a vraiment eu une explosion des différents types de processeurs qui sont utilisés, des différents types de réseaux. Et donc, on voit qu'il y a une très grande effervescence, beaucoup de gens qui recherchent. Donc, je ne sais pas si ce sera des processeurs neuromorphiques ou autre chose. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une forte ébullition. Et je trouve que c'est un moment assez passionnant de voir comment le calcul va évoluer et qu'est-ce qui va devenir. Et puisque nous sommes mercredi, nous ne perdons pas les bonnes habitudes dans cette nouvelle année 2018. C'est l'heure de la recherche montre en main. Nous recevons chaque semaine un étudiant en doctorat qui vient nous raconter, nous expliquer en 4 minutes ses travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour le premier mercredi de l'année Théo Saillant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse à l'université, à l'ENS Paris-Saclay. Bienvenue, c'est à vous. Merci. Alors, on a beaucoup parlé du matériel, de l'utilisation, des implications du superordinateur dans la société d'aujourd'hui. Mais on ne parle pas en général du quotidien autour du superordinateur. Dans un centre de calcul, on trouve tout un écosystème de personnes qui interagissent différemment avec la machine selon leur rôle. Il y a l'utilisateur qui lance des simulations, regarde ses résultats, et il y a les administrateurs qui s'occupent de la maintenance, fournissent également des services comme l'installation de programmes pertinents sur le superordinateur. L'administrateur, techniquement, a tous les droits sur le superordinateur, mais l'utilisateur, souvent un acteur industriel, impose que les calculs s'effectuent de manière confidentielle. Du point de vue de l'administrateur, tout se passe donc comme si le superordinateur prenait des initiatives. Des calculs se lancent au gré des activités des utilisateurs, mais il n'a pas le détail sur en quoi consiste le calcul, comme la physique simulée, l'objet étudié. Cependant, pour contrôler et maintenir le calculateur, il est souhaitable d'en comprendre l'usage, au moins d'un point de vue macroscopique. Régulièrement, nous récoltons des données sur l'utilisation globale de chaque unité de calcul. Ces données ne sont pas celles du calcul, mais celles de son exécution. Ainsi, on peut par exemple savoir si le programme est efficient au sens de l'utilisation du CPU, à quel point la mémoire est utilisée, quelle quantité d'informations est échangée avec les autres unités de calcul. Les programmes sur le calculateur peuvent également retourner des lignes de texte pour informer l'administrateur ou l'avertir d'un problème plus ou moins critique. Les données sont donc très variées, mais aussi très volumineuses, puisque le nombre d'unités surveillées est de l'ordre de la dizaine de milliers. Nous pensons raisonnablement que toutes ces données permettent déjà un contrôle optimisé et automatique du calculateur, ainsi que l'anticipation d'incidents. Cependant, elles sont très hétérogènes, c'est-à-dire qu'on doit traiter en même temps et à la fois des données de type texte et des données de type signaux liées aux différentes quantités mesurées, voire les deux en même temps avec des textes contenant des données chiffrées. De plus, la quantité de données à traiter est si importante que l'individu ne peut pas en comprendre la totalité. Encore aujourd'hui, un administrateur s'intéresse à ces données brutes que lors d'un incident pour caractériser l'origine du problème ou concevoir le modèle suivant du superordinateur. Avec le temps, les superordinateurs deviennent plus volumineux et plus complexes, ce qui rend la lecture de ces données de plus en plus difficile, même a posteriori, et cela peut affecter grandement la fiabilité du calculateur. Les techniques de l'apprentissage automatique et statistique sont actuellement très populaires. Elles aspirent à mieux comprendre et maîtriser les systèmes complexes produisant de grandes quantités de données. L'application de telles méthodes à nos données soulève des problématiques de recherche encore assez peu traitées. Par exemple, comment traiter en temps réel des données de type très différentes, avec d'un côté le texte, de l'autre les signaux? Comment traiter le langage utilisé par la machine pour nous informer, qui diffère fortement du langage naturel? La thèse s'oriente donc plutôt vers le développement d'outils de data mining pour de telles données. Cette partie de la recherche en intelligence artificielle vise à créer des grandeurs, des visualisations, estimées sur les données brutes, afin d'assister l'humain dans sa compréhension des données et donc sa prise de décision. Cette thèse a pour but de permettre à l'humain d'appréhender des données toujours plus volumineuses de la machine, pour répondre aux besoins toujours plus grands de puissance de calcul. C'est un premier pas vers l'ouverture d'une nouvelle thématique de recherche autour des sciences des données pour le HPC, une problématique au cœur du numérique car elle mobilise les sciences des données, la gestion de données massives et le calcul haute performance. Merci beaucoup Théo Saillant. Une réaction à ce que vous venez d'entendre à ces travaux, Edouard Audi? Première chose, c'est qu'on voit c'est une nouvelle facette du calcul, quelque chose qu'on n'avait pas abordé. On a parlé pourtant pendant une heure et je dirais que c'est une illustration des très nombreuses facettes du calcul haute performance et de la diversité des activités dans le milieu. William Jalvi. Je dirais que c'est très intéressant, ça renforce l'importance de l'aspect logiciel. Il ne suffit pas d'avoir une machine, il suffit aussi de regarder comment elle se comporte, donc d'analyser son comportement de manière très fine. Je pense que c'est aussi une source de progrès majeur que l'on peut avoir. Je dis encore une fois, on parle toujours de la performance crête, il faut aussi s'intéresser à la performance réelle obtenue. Merci beaucoup à tous les trois. Merci William Jalbi, merci Edouard Audi, merci Théo Saillant d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver toute l'émission comme chaque jour sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Sarah Hijman, Sev Etienne, Antoine Beauchamp, Nomine Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Milena et Ligue à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, c'est dans quelques petites secondes. Le troisième épisode de la série documentaire de la semaine, 4 expériences de retour à la nature. Aujourd'hui, les clairières libertaires, une vie communautaire d'anarchistes en 1900. C'est une série signée Marie Chartron et François Teste. Et puis tout à l'heure, après le journal de 18h, la question du jour, du grain à moudre. L'économie collaborative est-elle en voie de désubérisation? Ce sera avec Hervé Gardette. Pour ce qui nous concerne, eh bien, demain, nous retournerons à la racine du vivre ensemble. Comment nos ancêtres et comment les ancêtres de nos ancêtres se sont-ils constitués en société? Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.